Yesterday, I started to talk about eight means of escape from bondage, eight ways of becoming liberated, and eight corresponding obstacles that prevent us from using those escape routes. And I have been speaking about the first pair of those, the Nekama and Kamachanda. D'expliquer les huit façons, les huit moyens de sortir, d'échapper de l'asservissement, les huit moyens de se libérer et les huit obstacles correspondants qui nous empêchent de sortir, de prendre ces voies de sortie. Et j'ai parlé de la première paire, c'est Nekamana et Kamachanda. Et donc Nekama, ça veut dire se libérer. Se libérer de quoi? Se libérer des plaisirs sensoriels, du ravissement des sens. Et le premier sens de Nekama, c'est de partir, mettre de côté les affaires de ce monde et prendre l'apparence de yogi. Là où je me suis arrêté, c'est j'ai commencé à expliquer comment travailler pour travailler intensément pour devenir, pour se libérer des trois kilesas qui sont la cause de la souffrance. Donc, au début, on est le yogi que de nom. Et après ça, nous commençons à faire le travail de yogi. Là, ce que je vais expliquer, c'est comment de devenir yogi en réalité et comment faire la pratique de yogi. Donc, nous plaçons l'esprit sur le corps et nous restons de façon stable. Donc, il faut, nous visons, nous faisons l'effort pour nous connecter précisément à l'objet et nous faisons ça plusieurs fois. Et de cette façon, nous allons nous libérer des obstacles de désir, de ravissement produits par les objets de sens. Et l'esprit devient clair, il est inspiré. Donc l'esprit sera heureux, stable, paisible. Dans les absorptions de Vipassana qui s'appelle Samasana Yana, ça dénote une concentration forte et nous avons déjà parlé de cinq facteurs mentaux qui se développe grâce à à la concentration. Et donc les cinq qualités qui apparaissent grâce à la concentration, l'absorption de Vipassana, c'est Vitaka, c'est être connecté à l'objet, Vichara, l'esprit se frotte à l'objet, il est proche de l'objet. La qualité suivante, c'est piti, joie, intérêt, satisfaction. Après vient sukha, le bonheur. Et après vient ekagata, c'est la concentration. Tout ça se passe au premier niveau, au premier jhana, au premier niveau d'absorption. Et à ce moment-là, le yogi se libère des objets de sens, de désir de sens, des objets sensoriels. Et parce que on se libère des désirs sensoriels, ça s'appelle Nekama. Alors, à ce niveau-là, à cette étape-là, nous commençons à voir la vraie nature des phénomènes. Les qualités physiques telles que la dureté, la fluidité, la chaleur. Et aussi, nous commençons à connaître comment l'esprit va vers l'objet, les qualités de plaisir, d'agréable, désagréable, les différents facteurs mentaux. Et aussi, l'esprit voit comment les objets, qu'est-ce que les objets ont en commun. Par exemple, le fait d'apparaître et de disparaître. Et c'est pour cela qu'il constate que les objets ne sont pas permanents. Et comme les objets ne sont pas permanents, les objets sont insatisfaisants. Et aussi, l'esprit voit que les objets sont vides. Et ils ne possèdent aucun soi inhérent. Donc, l'esprit voit leur nature. L'esprit voit leur nature. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure, enfin la dernière fois. Mais en fait, on n'a pas besoin de vraiment regarder pour tout ceci. On n'a pas à chercher l'impermanence ni le caractère insatisfaisant des phénomènes. Il nous suffit d'observer l'apparition et la disparition. Et plus nous faisons ça avec précision, alors ces qualités comme l'impermanence, etc., vont apparaître. Nous allons voir la vraie nature des phénomènes. Tout ça, c'est ce dont on a parlé avant. Et nous avons expliqué que Nekama, c'est la première absorption, mais c'est aussi de partir, c'est se libérer des désirs, et c'est aussi Nekama, ça veut dire aussi Nibbana, et de ça je vais parler tout à l'heure. Nibbana veut dire littéralement la cessation de soif ou du désir. Comme dans la pratique, le désir des objets sensoriels n'a plus de chance d'apparaître, la soif est coupée et donc elle va mourir petit à petit, et c'est ce qu'on appelle la libération momentanée. La libération à travers le fait que le désir meurt progressivement. Quand la connaissance de Vipassana surgit, le yogi va connaître l'esprit et la matière, Et il va aussi savoir que qu'ils sont reliés en tant que cause et effet. Il va voir aussi qu'ils sont impermanents. Ça veut dire qu'ils apparaissent et ils disparaissent. Et c'est pour cela ils sont insatisfaisants et ils sont juste des phénomènes, juste des phénomènes. Et le désir sensoriel ne va pas apparaître, n'apparaît que quand les choses nous paraissent comme permanents. Mais le désir ne va jamais apparaître quand nous voyons l'impermanence. Quand nous voyons l'impermanence des choses, alors Kamachanda ne va pas apparaître. En plus de ça, il n'y aura pas d'orgueil. Quand nous voyons la qualité insatisfaisante, la nature insatisfaisante des choses, alors l'avarice, l'avidité ne va pas apparaître. Quand nous voyons que l'esprit et la matière sont juste des phénomènes, pas plus que des phénomènes, nous allons voir qu'il n'y a pas de soi, et donc nous allons aussi être libérés, nous serons libres de la croyance en un soi. Et Nekama, c'est aussi être libre de ses croyances. Quand apparaît la connaissance de Vipassana, il n'y a plus de souillure mentale. Quand apparaît l'esprit de Vipassana, c'est une connaissance, c'est une conscience méritoire, bénéfique. Et n'apparaissent que les dhammas bénéfiques. Et c'est pour cela qu'on appelle ça aussi Nekama. En plus de ça, c'est aussi c'est pour cela qu'on appelle ceci Nekama, parce que ça, c'est des moyens de nous libérer de l'asservissement des désirs sensoriels. Maintenant, je voudrais parler de Nekama, pas en termes de toutes ces différentes significations, mais plutôt du côté pratique, comment on pratique Vipassana. La concentration que nous obtenons dans la pratique de Vipassana, c'est ce qu'on appelle la concentration momentanée. Et ceci s'obtient en observant l'apparition des objets mentaux et physiques qui apparaissent aux six portes sensorielles. Ceci amène notre esprit à être unifié, rassemblé, et c'est cette qualité, c'est ce qu'on appelle la concentration momentanée de Vipassana. Si nous n'observons pas les objets évidents apparaître, ces objets matériels ou mental, alors l'esprit ne sera pas rassemblé, ne sera pas unifié, il sera dispersé. Nous ne connaîtrons pas la matière et l'esprit et leur lien en tant que cause et effet. Nous ne connaîtrons pas ce grand courant des causes et effets. Nous ne saurons pas comment ils sont reliés en tant que cause et effet. Nous ne connaîtrons pas non plus l'apparition et la disparition instantanée, et que les choses sont ne sont pas plus que des phénomènes. Et comme nous ne connaîtrons pas les objets tels qu'ils sont, si nous n'observons si nous n'observons pas les objets, alors il y aura l'ignorance. On va ignorer les objets. Sur la base de ça va apparaître le fait d'aimer, de prendre plaisir, vouloir les objets, la soif, désir. Donc, nous ne connaîtrons pas non plus l'attachement. Donc, nous n'allons pas reconnaître l'attachement aux objets qui arrivent à la fin de cette chaîne. Et si nous observons les objets, nous sommes sûrs de les connaître. Et si nous connaissons les objets, nous allons les laisser partir, laisser tomber. Quand nous observons les objets évidents, nous allons les voir apparaître, surgir. L'esprit alors sera unifié, sera rassemblé, et nous allons connaître la matière et l'esprit. Et nous allons voir le courant constant des causes et effets, l'impermanence, la souffrance, l'absence de soi. Donc nous allons percevoir ça pour les objets connus, perçus, mais aussi d'autres objets vont être perçus de la même façon. Ceci apparaît grâce à la connaissance des objets tels qu'ils sont. Et à ce moment-là, nous allons être libérés de ravissement, d'être ravis par les objets, de vouloir les objets, de désirer avoir soif des objets. Et comme tout ça là de Vipassana, donc le côté vertueux de Vipassana se développe quand nous pratiquons, quand nous méditons. Nous serons capables d'échapper, de sortir de ce ravissement des objets sensoriels. Et c'est pour cela que on appelle ça nekama. Parce que c'est le moyen d'accomplir de réussir à sortir du samsara. Et en développant le vipassana étape par étape, nous allons atteindre le chemin et le fruit, le nibbana. À l'autre bout, c'est les désirs sensoriels qu'on appelle kamachanda, autrement jnana varana. Kamachanda, c'est de vouloir voir, entendre, toucher, goûter les bonnes choses. C'est aussi désirer et vouloir posséder. Et quand on les possède, nous voulons encore quelque chose de meilleur et encore meilleur. Et c'est la même chose pour tout le monde. Et aussi, non seulement ça, il y a aussi la recherche de ces objets, Et tout ceci est appelé les Jnana Varana. Commencer dans le, on peut dire dans le, dans les, pour utiliser la terminologie mondaine, les désirs sensoriels bloquent la pratique de Vipassana. Comment ça se passe pratiquement dans cette vie? Nous cherchons l'argent, le confort, il y a notre propre business, notre entreprise, il y a le travail, la famille, les enfants, et nous devons s'en occuper de tout cela. Toutes ces choses-là, occupent tout le monde. Toutes ces choses, toutes ces préoccupations sont initiées par, sont lancées par Kamachanda. Nous voulons, nous cherchons toutes ces bonnes choses comme le confort et autres. Et c'est ce que l'empereur Ashoka a écrit sur ses piliers en pierre. Tout le monde cherche son propre bienfait, bien-être, pardon. Pour parler de la famille, de notre entreprise, etc., nous devons prévoir, planifier tout ceci, après faire des actes, entreprendre des actions pour les obtenir. Si on n'a pas, alors nous essayons de les obtenir. Après, une fois qu'on a obtenu, il faut s'en occuper et ça ne nous laisse aucun loisir. Et surtout dans les pays yeah. développés, yeah. Industrialisés, les gens n'ont pas du tout de temps libre. Est-ce que c'est vrai pour vous? C'est assez évident si vous regardez. Ce qui se passe en Birmanie à l'époque quand j'allais là-bas, évidemment ils avaient des occupations, mais ils avaient toujours le temps pour aller méditer. Je l'ai vu clairement quand j'allais en Birmanie. Et à cause de ça, les gens n'ont jamais du temps libre. Ils n'ont pas même le temps de penser à développer la sagesse, la force de l'esprit. Ils ne peuvent pas le faire. Et ils ne savent pas que l'esprit doit être contenu. Tout ce qu'ils font, c'est juste, ils profitent. Des plaisirs en toute liberté. Et quand ils ont des jours, des journées de libre, ils vont camper, ils ont gagné de l'argent, donc ils vont profiter de cet argent pour éprouver des plaisirs et des plaisirs de plus en plus meilleurs. Et si quelqu'un vient leur dire qu'il faut méditer, quelqu'un qui les pousse à méditer, ils vont s'inquiéter pour les choses matérielles qu'ils ont laissées derrière chez eux en allant au centre de méditation. Donc, ils ne vont pas faire d'efforts en méditant. Et quand les gens ne peuvent pas pratiquer le Vipassana, ils ne vont pas développer la connaissance de Vipassana. Ils ne sauront même pas ce qui est. Ils ne vont pas développer la sagesse et ils ne vont pas savoir pour eux-mêmes. Qu'est-ce que est la pratique de Vipassana? Ici, nous regardons ce qui bloque, ce qui empêche aux gens de se libérer. C'est toutes ces bonnes choses qu'on désire, qu'on veut, on a soif de cela. Toutes ces désirs sensoriels nous empêchent le développement de Vipassana. Et à cause de cela, il n'y a pas de libération. Et il y a deux types de bonheur. C'est Kamasukha, le plaisir des objets sensoriels, et Dhamma Sukha, le bonheur du Dhamma. Et jusqu'à ce qu'on voit les défaits des objets, des expériences sensorielles, des objets sensoriels, alors tant qu'on les considère comme agréables, bons, alors il sera difficile de sortir et d'en sortir. Is it so? Est-ce que quelqu'un de vous, ou peut-être vous tous, vous avez peut-être expérimenté le bonheur du Dhamma? Si nous ne connaissons pas le bonheur du Dhamma, et si nous ne voyons pas les défauts des objets sensoriels, si nous ne connaissons pas le bonheur du Dhamma, il est difficile de se retirer des objets sensoriels, d'en sortir. Et c'est pour cela qu'on appelle ça Nivarana, blocage, obstruction. Et ce plaisir sensoriel, prend plaisir des objets, est attiré vise, il veut aller vers les objets sensoriels, il demande ces objets sensoriels. Et même quand nous méditons en retraite, entre les deux observations, les deux objets observés, Kamachanda va apparaître et donc va bloquer la pratique de Vipassana. Donc, ce Kamachanda peut apparaître de deux façons. Ça peut apparaître de façon grossière. Nous pouvons penser, se souvenir des objets que nous avons expérimentés avant la retraite. Nous pouvons être intéressés par les personnes que nous aimons, nos amoureux, et toutes sortes d'objets que nous avons expérimentés avant. Et ça peut être aussi assez subtil. C'est aussi le Kamachanda des objets sensoriels qui apparaît dans la pratique. Nous notons des objets et certains objets sont... On perçoit les objets bons, agréables, les objets évidents et les objets dans la méditation qui sont plaisants. Et quand on perçoit ces objets, nous commençons à en penser, on veut en parler, nous voulons... à expliquer ça aux autres, donc nous voulons enseigner le dharma. Donc ça peut être aussi, on peut anticiper avant qu'on commence ou avant qu'on a l'expérience, on peut probablement anticiper et vouloir développer la connaissance les connaissances ou le nibbana. Et il se peut qu'on fait des efforts et notre capacité de noter, comment on dit, d'annotation se développe, va apparaître alors la satisfaction, la joie, le bonheur, le plaisir, et on se dit, oh, est-ce que c'est vrai? Oh, que c'est excellent. Et nous allons, après ça, nous allons s'attendre que ça se produise de nouveau. Si nous notons bien, alors à ce moment-là, ces expériences ne vont pas, ce fait de prendre plaisir ou désirer ces expériences ne vont pas apparaître. Donc, Vipassana sera sans interruption. Mais si le plaisir, le désir, la soif n'est pas reconnu, n'est pas noté, alors à ce moment-là, ça va briser le Vipassana et tous ces phénomènes vont dire, ben, nous, on est là et c'est toi qui vas partir. Il se peut que vont apparaître les connaissances, la concentration sera développée, etc. Mais il se peut que ça apparaît à ce moment-là, le plaisir, la soif de toutes ces sensations agréables qui apparaissent. Et alors, la notation, le fait de noter va disparaître et ça va empêcher le vipassana. Donc, l'analogie utilisée, c'est le mât de cocagne. Et en anglais, c'est le Principal. poteau graissé. Encore en russe, c'est avec de l'eau gelée qu'on rend le poteau glissant. Donc en général, ça se passe à une fête foraine et on met comme ça un poteau d'une quinzaine de mètres. Au sommet, on met un prix, quelque chose qui attire les gens, et il faut grimper. Et souvent, quand on grimpe, donc il faut grimper tout doucement et être complètement concentré. Mais quand on arrive, on s'approche du but de ce prix, alors on peut être excité, et alors à ce moment-là, on va glisser vers le bas. Et c'est de la même façon que les désirs sensoriels, même quand on a bien avancé dans la pratique de Vipassana, alors ces désirs, dans ce cas subtil, vont nous ramener vers le bas. Donc les plaisirs sensoriels empêchent la connaissance. La connaissance expérientielle, enfin la connaissance qui vient de l'expérience. Et donc ceci, on appelle ça les obstacles. Donc en pali, soit avarana, soit nyanavarana. Ça a le même sens. Pour dire tout ceci en bref. Donc cette pratique, c'est quelque chose de bénéfique et c'est pour cela on appelle ça Nyana. Ça veut dire la voie de sortie, la voie qui nous permet de se purifier, de sortir du samsara, et pour cela, nous utilisons le vipassana. Dans ce processus, nous devons éviter les plaisirs sensoriels, nous plaçons donc notre esprit sur le corps et nous observons tout ce qui apparaît. Comment nous pouvons gérer ces plaisirs sensoriels? Il y a donc deux choses, la prévention et le traitement. La prévention, c'est mieux que le traitement. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Mais si jamais on n'a pas réussi à prévenir, on n'a pas attrapé ça au vol, alors à ce moment-là, donc nos défenses étaient percées. À ce moment-là, il ne faut pas laisser le kamachanda, les plaisirs sensoriels, de se développer. Il faut soigner le kamachanda. Et nous le faisons en supprimant ça fermement avec la pratique de Vipassana. Donc, je vous souhaite de se libérer des désirs sensoriels en plaçant en observant votre objet, en visant l'objet, en notant, en protégeant votre esprit, et je vous souhaite de développer la voie de libération jusqu'au bout. Sadhu, sadhu, sadhu. So, I urge you all to, with the objective of getting free from sense desire and the bondage of suffering, please try to develop Vipassana knowledge by placing the mind on the body and observing the apparent objects as they arise, with aiming and effort to note them steadfastly and effectively, to try to create protection for yourself in advance and follow the path to liberation fully.